إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك الحمد لله avant de commencer il y a juste il y a un point que j'aimerais mentionner à propos de ce cours, puis à propos des autres cours qu'on donne, Inch'Allah, et qu'on va donner dans l'avenir, bi'iznillah. Il y a une chose qui est importante à comprendre et à se souvenir tout le temps, c'est que, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on essaie de suivre? C'est le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs salih. Ça, c'est ce qu'on essaie de suivre, et c'est ce qu'on essaie d'être, Inch'Allah, des salafis. Hein? Et c'est une obligation pour chacun d'entre nous, d'être salafi et de suivre l'islam, le Coran et la Sunna selon la compréhension de nos salafs salih. Ça c'est obligatoire. On n'a pas le choix là dans cette question là. Et il y a quelque chose qui est important de comprendre pour nous, c'est que cette da'wa et ce message et cette compréhension de l'islam, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se limite uniquement à un petit groupe de personnes qui comprennent certaines choses ou qui ont compris certaines choses puis qui les gardent pour eux et qui les ont compris pour eux puis qui n'en parlent qu'entre eux seulement. Cette da'wa et ce message, il doit s'adresser à tous les musulmans, à tous les individus de cette umma, hommes ou femmes. Et il ne faut pas que ça devienne comme quelque chose, comme un club privé entre initiés, des gens qui ont compris, qui ont appris et que ça se limite à ça. Et qu'on s'arrête de faire la da'wa, on s'arrête de prêcher aux autres, hein, ou bien que, disons, on parle entre nous de ces choses-là, d'une manière qu'on a compris, et pour les autres musulmans, on les considère comme si, ah, eux, ils ne sont pas des salafis, ou eux, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas à comprendre ces choses-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si quelqu'un a compris la da'wa salafia de cette manière-là, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Hein? Et malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque parfois, pour certains individus, on peut dire, bon, certains frères, certaines sœurs, disent, bon, moi je suis salafi, ma connaissance elle est limitée, je n'ai pas beaucoup d'ilm, et donc je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas commencer à disons, m'adresser aux gens, puis commencer à leur parler des choses alors que je ne connais pas. Et ça c'est correct, et ça c'est compréhensible, et c'est bien de s'arrêter à sa limite, de s'arrêter là où on sait que on peut pas aller plus loin. Et ça c'est bien, mais ça veut pas dire que parce que nous on n'a pas suffisamment de connaissances, ou parce qu'on n'a pas suffisamment de compréhension, qu'on peut pas, malgré ça, aider à faire avancer cette da'wa et à la propagation de cette compréhension de l'islam, qui est la vraie compréhension de l'islam. Il y a beaucoup de moyens pour y arriver, que ce soit par des livres, que ce soit par des cassettes, que ce soit par des audios, que ce soit par d'autres méthodes également. Et essayer de faire en sorte que ce message-là se propage. Et aussi en même temps, lorsqu'il y a des durous, comme ici par exemple à la mosquée, d'inviter les gens, de les inviter à venir, même s'ils ne connaissent pas, pour qu'ils viennent, pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils puissent apprendre et pour qu'ils puissent comprendre. Et en même temps, c'est sûr qu'on est toujours limité parfois, mais il faut faire avec les moyens qu'on possède. Et donc, on a remarqué que, alhamdoulilah, il y avait toujours depuis longtemps des frères qui sont salafis ici, mais on n'a vraiment pas remarqué qu'il y avait une présence remarquée des salafis à Montréal. C'est un petit nombre, quelques frères qui se réunissent de temps en temps, mais il n'y a pas une vraie présence remarquée à Montréal d'une da'wa réellement salafie qui a un impact sur la communauté, qui a un impact sur la société et qui a des fruits, hein, et qui commence à avoir une importance. Et c'est ça qu'il faut que ça, c'est ça qu'il faut changer en fait. Il faut faire en sorte que les gens puissent avoir une bonne compréhension et que le message puisse atteindre les gens qui ont besoin de le connaître. Mais si ça reste juste entre nous, et si on n'en parle pas ouvertement, et si on n'explique pas ça à tout le monde, comment les gens vont pouvoir apprendre ce manhaj? Comment les gens vont pouvoir apprendre cette aqida? Comment les gens pourront corriger les erreurs qu'ils ont dans leur manhaj, dans leur aqida? Ils vont rester sur l'égarement, ils vont rester sur les erreurs, ils vont rester sur les fausses compréhensions. Et les autres individus qui suivent les groupes, les jama'at, les ahzab, les firaq et toutes sortes d'idéologies, ils continuent à propager ouvertement leurs idées, leurs croyances et leurs passions et leurs bid'ah. Et il n'y a personne qui dit rien. Il n'y a personne qui dénonce. Il n'y a personne qui critique, il n'y a personne qui corrige, il n'y a personne qui enseigne. Et si les choses continuent de cette manière-là, eh bien ça veut dire que on n'est pas en train de réellement faire notre travail. Donc, yani, je réfléchissais à ça, je me disais, subhanallah, hein, si quelqu'un, il est sincère envers Allah, subhanallah, et il veut faire quelque chose de bien, il doit faire un effort. Et il doit travailler dans ce sens-là. Donc, avec ça, ayant dit ça, Inch'Allah, on va commencer donc notre lecture de ce livre ensemble, Inch'Allah. Et donc, aujourd'hui c'est le cours numéro 12. On commence par le cours numéro 12 parce que ce livre, je l'ai, comme je disais, je l'ai commencé en France auparavant. Et on va juste continuer. On est arrivé au point numéro 20 dans les Masa'il de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Donc, alhamdoulilah, on a complété jusqu'à maintenant dans les cours qu'on a fait depuis... qu'on a commencé en 2004, hein, alhamdoulilah, on est rendu en 2010. Et on a, alhamdoulilah, étudié ensemble plusieurs livres, parmi les livres, de Aqidah, de Manhaj, hein, de Hadith, et donc, on a fait un bon bout de chemin ensemble, alhamdoulilah, et c'est sûr qu'il y en a qui viennent, il y en a qui partent, hein, alhamdoulilah, c'est Allah qui guide qui il veut. Et le but, c'est pas d'avoir un nombre nécessairement. L'important c'est que on sache que les gens qui sont là, qui assistent aux durus, qui écoutent, qu'ils ont bien compris de quoi on est en train de parler et qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner. C'est pas quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes, c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est pas quelque chose que j'appelle moi en tant qu'individu Sulaiman, hein, qui je suis. Je suis rien, je suis pas personne, un savant en particulier, non, au contraire, je suis un simple étudiant. Je fais mon possible avec le peu de connaissances que j'ai d'essayer de le transmettre. Et qu'est-ce qui est important, c'est de retourner à nos ulama. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait attention de choisir les livres que j'ai décidé de traduire et d'expliquer en choisissant des gens qui sont reconnus pour leur science, reconnus pour leur ilm, hein, et leur droiture dans le manhaj, comme le Cheikh Al-Fawzan et comme d'autres parmi nos ulama qui sont des ulama qui suivent la voie des salafs et qui ont cette compréhension et ce manhaj. Hein. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui vient d'exister, comme je dis, c'est quelque chose qui existe depuis l'époque des Sahaba et qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas d'autre voie que cette voie, même si on est minoritaire à la suivre, même s'il y a peu de gens qui la suivent aujourd'hui. Et ça, vous allez le voir dans le livre qu'on est en train d'étudier maintenant, ça fait partie des masa'il qui sont expliqués par le Cheikh. Donc le point qu'on a qu'on va commencer à expliquer maintenant, c'est i'tiqaduhum anna af'al as-sahara wal kuhan min karamat al-awliya. C'est-à-dire parmi les choses qui font partie de la religion des gens de la jahiliya, c'est qu'ils croient que les actes des sorciers et des gens qui prétendent connaître l'avenir, hein, des diseurs de bonne aventure ou bien des voyants ou bien des médiums, ou bien des, comment ils les appellent, des devins, d'autres noms, comment on peut les appeler, ils croient que ce qu'ils font comme acte de sorcellerie et des choses de ce genre, font partie des miracles et des prodiges que les prophètes font. Donc ils essaient d'associer ces deux choses-là ensemble. Hein? Et ça, ça fait partie du comportement et des attitudes des gens de la Jahiliyyah. Et vous avez aujourd'hui, parmi les musulmans, comme le cheikh il va l'expliquer, des gens qui font des actes de sihr, de sorcellerie et toutes sortes de charlatanisme, des choses de ce genre, et qui prétendent être des awliya, qui prétendent être des gens qui sont rapprochés d'Allah, qui prétendent avoir des dons et des choses de ce genre, et ils trompent les masses de musulmans qui sont ignorantes, qui connaissent pas les principes et les fondements de la aqida, donc ils se laissent tromper par ces sorciers et par ces gens-là, en leur faisant croire qu'ils sont des chouyours et qu'ils font des miracles, et qu'ils sont parce qu'ils sont rapprochés d'Allah, soi-disant. Alors qu'en réalité, ce sont des sorciers. Donc, le cheikh, il dit, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, « Al-mas'alatu al-ishroun, i'tiqaduhum fi makhariq al-sahara, wa amthalihim annaha min karamati al-salihin, wa nisbatihi ila al-anbiya, kama nasabuhu li Sulayman alayhi salam. » Donc, il croit que les choses que les sorciers font, qui sont des choses parfois surnaturelles, des choses qu'on ne peut pas expliquer logiquement, ils attribuent ça à des prodiges, hein, et ils prétendent que ça, c'est des actes qui sont faits par des gens qui sont pieux. Et ils essaient de relier ça au prophète, et de ramener ça au prophète, et de l'attribuer aux messagers et aux prophètes, comme ils ont essayé d'attribuer la sorcellerie à Sulayman, alayhi salam, le prophète Sulayman. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là. Il dit, Al-Makhariq, هي الأمور الخارقة للعادة. ولا يقدر عليها إلا الله. وإذا جرت على يد نبي فهي معجزة مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام. ومثل ما عند عيسى عليه السلام من إبرة الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وما أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية كلها وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله. Donc le cheikh explique pour commencer que le terme makhariq, ça veut dire les choses qui sont hors de l'ordinaire, qui sont pratiquées par des gens. Donc, personne ne peut faire ces choses-là excepté Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a quelque chose qui est surnaturel ou hors de l'ordinaire qui se produit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, qui a fait que cette chose-là se produise. Si ces choses-là se sont produites par la main d'un prophète, alors dans ce cas-là, on dit que c'est un miracle, hein, mu'jiza. Comme par exemple, le fait que Moussa alayhi salam a pu changer son bâton en serpent. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de jeter son bâton par terre, et il est devenu un serpent qui rampe. L'exemple de Isa alayhi salam, qui guérissait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala les aveugles nés et les lépreux, et qui faisait revivre les morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miracle également. Et parmi ces miracles-là, le plus grand d'entre eux, c'est le Coran al-Karim. Et ce Coran, c'est un miracle qui a voué à l'incapacité et à l'impuissance tous les êtres humains. C'est-à-dire que les djinns et les hommes n'ont jamais été capables de produire quoi que ce soit de semblable à ce Coran. Donc c'est le miracle. Hein. C'est le grand miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أما إذا جرى الخارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن ف فهذا يسمى كرامة من الله عز وجل أجراها على يده إما لحجة في الدين وإما لحاجة المسلمين كما حصل لمريم عليها السلام في أن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا وهي متفرغة للعبادة بها المحراب بهذا المحراب وهو مكان العبادة وكذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل وبقائهم على حالتهم لم تأكل الأرض أجسامهم لم تأكل الأرض أجسامهم ولم يحصل في حياتهم خلل هذا من كرامات الأولياء لشيخ الزين il y a également des choses surnaturelles qui peuvent se produire par la main d'un homme pieux ou d'une femme pieuse hein, qui est croyante. Et ça, on appelle ça karama. Donc quand c'est un prophète qui fait quelque chose de surnaturel, on dit que c'est un miracle, hein, mu'jiza. Quand c'est un homme pieux ou une femme pieuse qui n'est pas un prophète, on dit que c'est une karama. Okay? Et ça, c'est un prodige. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ça à qui il veut. Et il le fait apparaître par la main d'un parmi ses serviteurs qu'il a choisi, soit pour établir une preuve de la religion, hein, pour établir une preuve contre les kuffars et contre les mushrikines, de la véracité de l'islam, comme preuve pour établir la véracité de cette religion, ou bien pour un besoin que les musulmans ont. Il dit comme par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Maryam alayhi salam. Maryam, alayhi salam, comme c'est mentionné dans le Coran, chaque fois que Zakaria rentrait dans l'endroit où elle faisait la prière, où elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvait auprès d'elle quelques nourritures ou quelques subsistances pour elle. Et elle s'adonnait uniquement à l'adoration dans cet endroit-là et dans ce lieu d'adoration-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme c'est arrivé aux compagnons de la caverne hein, qui avaient un long sommeil. Ils ont dormi pendant de nombreuses années. De nombreuses années, ils ont dormi. Donc, c'est pour dire que ça, c'est des miracles. Hein, c'est plutôt des prodiges, des choses surnaturelles que Allah a permis de se produire chez certains hommes pieux ou certaines personnes qui étaient vraiment proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, subhanallah, j'ai vu un reportage qui mentionnait que il y a une maladie, hein, c'est la maladie qu'ils appellent ça en anglais « the sleeping beauty disease ». Et c'est que lorsque quelqu'un est atteint de cette maladie-là, c'est un genre de syndrome, en tout cas, la personne elle peut dormir pendant des jours et des jours sans jamais sans se réveiller. Hein. Et il montrait qu'il y avait une jeune fille qui est atteinte de cette maladie-là, elle a dormi pendant 13 jours sans se réveiller, subhanallah. Et elle peut dormir comme ça pendant 2-3 jours puis elle ne se réveille pas. Et donc ça c'est pour dire, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire ce qu'il veut. Hein. Et donc le cheikh il dit ensuite que en ce qui concerne les gens de la caverne, ça c'était un miracle, hein, c'est un prodige que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, que ces jeunes-là qui étaient dans la caverne, ils ont dormi pendant de nombreuses années et ils sont restés vivants comme ça, la terre n'a pas mangé leur corps et ils sont restés vivants comme ça mais endormis pendant de nombreuses années. Donc ça fait partie des exemples de karamat, des gens qui sont pieux et rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ma yajri mimma yushbihu khawariq al-'adat 'ala aydi al-kafara, fa hadha tu'tabaru min af'al ash-shayatin. Fa hadhihi tu'tabaru min ash-sha'wazat wal-hiyal was-sihr at-takhyili aw min a'mal ash-shayatin wa istikhdamuhum li-ifsad 'aqa'id al-ins والإضرار بهم وليست من الكرامات كالذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو فاجر ف فهذا من فعل الشياطين لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك خدموهم فحملوهم في الهوى ومشوا بهم على الماء فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيلهم ودجلهم على الناس وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى بني إلى نبي الله سليمان عليه السلام رد الله عليهم بأن السحر كفر ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء وسليمان عليه السلام منهم ولا يليق به السحر Donc le cheikh explique, il dit qu'est-ce qui se passe de choses surnaturelles qui se produisent par la main des kuffars. Alors ça, on considère ça comme étant les actes des shayatins. C'est les diables qui les aident à faire ces choses-là. Ça fait partie des superstitions et des ruses et de la sorcellerie hein, et des illusions que les shayatins les aident à accomplir. Les diables les aident à accomplir, et les diables utilisent ces hommes-là, et ces hommes-là utilisent les diables, ok, pour arriver à corrompre la croyance des hommes, et à leur faire du mal, et à leur faire du tort, et ça, ça ne fait pas partie des prodiges, d'accord? Et justement, à ce sujet-là, c'est comme par exemple, il y a beaucoup parmi les soufiyines qui prétendent être parmi les Aulia comme ça, et qui prétendent avoir ce genre de capacité-là de faire ce genre de miracle et de prodige. Et donc, il y avait certains, par exemple, qui disent qu'ils connaissent l'invisible. Hein? Et comme une fois j'écoutais dans un des cours de Tariq Ramadan, il parlait d'un sujet, puis là, après, il a mentionné qu'il y a certains êtres qui sont des khawas, des êtres, des élites hein, parmi les pieux, qui ont atteint un niveau de piété tellement élevé que ceux-là, ils font des miracles. Allah leur a donné, comme il a dit, al-furqan, le discernement ou quelque chose comme ça. Mais les soufis, ils ont une façon autre d'expliquer le al-furqan, qu'est-ce que c'est? Ils expliquent al-furqan comme étant un pouvoir. Comme une sorte de pouvoir magique que quelqu'un a reçu et qui lui permet de voir qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes. Okay, c'est comme ça qu'ils interprètent Al-Furqan. Et comme ça, il disait qu'il y a un jeune qui vient voir son cheikh et le matin, il n'avait pas pris le fajr. Alors, le cheikh, il le regarde dans les yeux, il dit, il a vu à travers ses yeux qu'il n'a pas pris le fajr. Et lui dit, fais attention à ta prière. Hein? Comme ça, en regardant seulement, il sait qu'est-ce qu'il a fait comme péché. Et non seulement ça, subhanallah, une autre histoire qu'il a racontée dans un autre cours, il explique qu'il y a un jeune qui est rentré, il avait des problèmes chez lui, à la maison, avec ses parents ou bien avec d'autres personnes, je ne sais pas. Puis, le jeune, il avait des problèmes comme ça, il n'a rien dit, il est rentré voir son cheikh. Son chef, il a regardé, il a mis sa main sur sa poitrine comme ça, et puis il a regardé, il lui a dit, ils vont se réconcilier, sans même qu'il ait dit quoi que ce soit. Donc ça, il dit, ça c'est des karamats, c'est des prodiges, hein, en voulant dire que les awliya, les gens qui ont atteint un niveau de spiritualité très très élevé, ils voient les cœurs des gens quand ils les regardent. Ou quand il les touche, ou des choses de ce genre. Et ça, ça fait partie des superstitions des soufis. Ils utilisent ça pour contrôler leurs fidèles et leurs adeptes, les gens qui sont dans leur confrère ou dans leur secte, hein, pour leur faire peur par rapport à leur chef. Vous dites, faites attention, hein, le chef, il voit vos cœurs. Et ce que vous faites, si vous pensez du mal ou vous faites quelque chose, il va vous punir. Il peut vous enlever votre foi, comme ça, juste avec un regard. Donc des choses de ce genre. Et même après leur mort, ils continuent d'avoir peur de leur cheikh. Et ils enseignent à leurs fidèles d'être comme un mort devant celui qui le lave. tu ne dois plus avoir aucune volonté devant ton chef, tu dois te soumettre de façon absolue. Et donc, comment il a su que, comment il a su en mettant sa main sur son cœur que l'autre il avait des problèmes chez lui, alors qu'il n'a même pas parlé de ça? Et comment il a su le rêve, hein, il prétend savoir le rêve, l'inconnu et l'invisible de l'avenir, non seulement qu'ils ont eu des problèmes, mais qu'ils vont se réconcilier? Qui lui a révélé ça? Est-ce qu'il a une révélation divine pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Et comment il sait qu'ils vont se réconcilier? Peut-être qu'ils vont pas se réconcilier. Donc ça c'est le rêve, et celui qui prétend connaître le rêve, il s'est attribué une attribut qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat, hein, et c'est kufr de croire que quelqu'un peut connaître le rêve en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est des croyances que Tariq Ramadan, dans ce cours-là qu'il enseignait, il est en train d'expliquer, de parler comme ça, normal, comme si rien n'était. Et il change sa voix, hein, il prend une petite voix là, spéciale pour parler de ça, pour faire croire aux gens que ça c'est un truc mystérieux là. Et puis il ne critique même pas ces paroles-là, il dit rien contre ça. Alors que c'est des paroles graves, contraires à la aqida d'Ahl-Sunnah. Donc quand le cheikh, quand j'étais en France l'été passé, j'ai posé la question au cheikh Ramzan Al-Hajri, quand il est venu à propos de ça. Il dit, cheikh, qu'est-ce que vous dites à propos de quelqu'un qui lorsqu'il va voir son cheikh, il met sa main sur son cœur, et puis il prétend que il sait qu'est-ce qu'il y a dedans, et les problèmes qu'il a à la maison, puis il lui dit que ses problèmes vont s'arranger, ou que ses parents vont se réconcilier, ou bien juste en regardant, il peut savoir que quelqu'un n'a pas fait la salat, le fajr ou des choses de ce genre. Le cheikh a dit ça là, ça c'est des gens qui suivent les shayatin en réalité. Il a dit c'est comme l'exemple de quelqu'un qui a des connexions avec un djinn. Hein, ce cheikh là, il communique avec le djinn. Et chaque individu, il a un qarin avec lui. Chaque être humain, il a avec lui un qarin. Un qarin, c'est-à-dire un shaytan qui le suit. Et lui, ce cheikh-là, soi-disant cheikh, hein, probablement, il est entré en contact avec son qarin par une sorte de sacrilège ou quelque chose comme ça qu'il a fait, hein, par un blasphème, ou un acte de shirk, ou de kufr, hein, pour se rapprocher de, pour demander un service à ce djinn, à ce shaytan, et il envoie son djinn pour communiquer avec le djinn de cet individu-là, pour lui demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, ou qu'est-ce qu'il a dans sa vie, ou des choses comme ça. Après, son djinn, son qarin, il revient, lui informe de ces informations-là. Et après, lui, il lui dit ça comme si, hein, comme s'il était au courant de qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, ou bien de qu'est-ce qui s'est passé, des choses de ce genre. Et tout ça, ça fait partie des trucs des shayatins. Et le cheikh, il a donné un exemple de ça pour montrer comment certains avaient réussi, parmi les gens du Tawhid, avaient réussi à démasquer ces menteurs-là. Et il disait qu'une fois, il y en a un musulman qui a rencontré un de ces soi-disant chouyour là, il lui a dit, moi je sais je sais qu'est-ce que les gens ont dans leur cœur, et je peux savoir ce que tu penses et des choses de ce genre. Il a dit, ah oui? Il a dit, oui. Il a dit, si tu veux que je te prouve, prends un nombre de pierres par terre, mets-la dans ta main, puis je vais te dire combien il y a de pierres dans ta main. Alors, il a pris des pierres, il les a comptées, et puis il a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça, il a dit, ok, combien j'ai de pierres dans ma main? Son djinn, il vient l'informer qu'il a compté 7 pierres. Alors, il lui dit, t'as 7 pierres dans ta main. Il lui dit, ok, d'accord. Maintenant, il prend encore des pierres dans sa main, mais il les a pas comptées. Il a mis comme ça dans sa main. Il a dit, combien j'ai de pierres? Là, il ne pouvait pas répondre. Voilà, il a dit, tu vois, tu peux pas dire le ghaib. C'est parce qu'il se repose sur son djinn, hein, qui vient pour essayer de calculer avec lui. Et il y a plein d'histoires comme ça dans les livres des soufiyins, où il y a des histoires que des soi-disant awliya ou des soi-disant shuyukh, ils passent, ils voient les gens passer dans la rue, et puis ils commencent à frapper les gens qui marchent dans la rue comme ça. Hein. Et quand on leur demande pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils disent, je vois les péchés des gens, tous ceux qui viennent là dans la rue, qui ont fait des péchés chez eux, je les vois, et puis quand je les vois faire, qu'ils ont commis des péchés, je les frappe, comme ça. Donc il y en a des soufis, ils racontent des histoires comme ça. Ils disent, un tel, c'était un wali, il était tellement pieux, tellement fort, il voyait les péchés des gens, et quand il était dans la rue, tout le monde avait peur de lui, parce qu'il courait derrière les gens pour les frapper, hein. Et il y en a qui racontent même des histoires comme ça à propos de un des soufiyins, un des égarés comme Ahmed Tijan, le fondateur de la Tariqa Tijaniya. Il dit tous ses élèves avaient peur de s'asseoir avec lui pour pas se faire dévoiler de leurs péchés devant les gens. Parce qu'il voyait, il savait qu'est-ce que chacun d'entre eux avait fait comme péché. Il avait peur que le cheikh, il commence à dire toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça. Hein? Donc ils ont plus peur. Exactement, c'est ça. Exactement. Et ils avaient plus peur de leur cheikh que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça les soufiyins. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la tarbiya, c'est l'éducation soufie. C'est comme ça qu'ils éduquent les gens à craindre les hommes plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun d'entre nous, il a un shaitan avec lui, un qarin. Et quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même toi au messager d'Allah? Il a dit, oui, même moi, j'en ai un. Aïna Aïcha radiallahu anha. Il a dit, même toi au messager d'Allah? Il dit, oui, même moi. Sauf que moi j'ai eu le dessus sur lui, et il ne me suggère que de faire le bien. Non. Tu vois? Non, il s'est converti, et en plus il ne lui suggère que de faire le bien. Et il a dit dans un autre hadith, que le shaytan, il coule à l'intérieur de chacun d'entre nous comme le sang coule dans nos veines. Donc on a tous la présence d'un qarin, d'un shaytan avec nous. Sihr, la sorcellerie, ça a toujours un lien avec un sacrilège. C'est toujours quelque chose qui a un rapport avec. Ah, tu veux dire les trucs de magie, là, d'illusion? Oui, c'est ça. Donc, les ulama, ils ont divisé la sorcellerie en sihr al-haqiqi et sihr al-takhili. Et sihr al-haqiqi, c'est qu'est-ce qui a rapport avec le fait que des gens rentrent en contact avec des djinns et qu'ils font des services aux djinns ou des choses comme ça. Et ils font des choses comme des actes de envoyer des sorts ou des trucs de ce genre. Et il y a une autre catégorie de sihr qu'on appelle sihr al-takhili. C'est juste des gens qui font des tours d'illusion. Tu vois? Et ça, c'est des ruses, hein, qu'ils font. C'est comme par exemple les sorciers qui étaient avec Moussa, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient contre Moussa. Pharaon avait amené des sorciers pour faire la compétition avec Moussa. Il pensait que Moussa c'était un sorcier. Alors il a amené tous les sorciers pour compétitionner contre Moussa, alayhi salam. Et puis quand il a lancé, ils ont pris des cordes, ils ont lancé les cordes. Et puis, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et ils avaient l'impression que ces cordes commençaient à bouger. Puis quand Moussa, alayhi salam, a jeté son bâton, le bâton s'est transformé en serpent, il a mangé tous les autres. Les sorciers se sont prosternés tout de suite. Ils ont dit, on croit en le Dieu en lequel Moussa a cru. Parce qu'ils savaient très bien qu'un sorcier ordinaire, quelqu'un qui est un sorcier, peut pas faire quelque chose comme ça, impossible. Alors ils ont cru que ça vient d'Allah, avec la connaissance qu'ils avaient, hein. Et donc c'est ça. Donc les gens qui font des petits tours de cartes ou des trucs comme ça, ça veut pas nécessairement dire qu'ils rentrent en contact avec des djinns. C'est juste des fois des trucs qu'ils apprennent et ils font ça vite, comme ça des petits, ils font des petits mouvements là, ils cachent les affaires tellement vite, ou bien ils attirent ton attention à quelque chose, quelque part, alors que en réalité l'affaire que tu devais regarder était ailleurs. Mais toi tu, ça c'est pas permis, ça aussi c'est pas permis. Ça fait partie de tromper les gens, puis ça fait partie aussi de mentir aussi. C'est des ruses, ça, c'est comme des illusions, hein, des illusions. C'est pour ça qu'on les appelle des fois des illusionnistes. Mais il y a des catégories d'illusionnistes qui ont réellement des contacts avec les djinns pour faire des tours, hein, comme par exemple les gens qui font de la lévitation. Hein, quelqu'un, il est couché comme ça, ils le font lever dans les airs comme ça. Pas de corde, rien. Ou bien d'autres tours comme ça que certains illusionnistes peuvent faire. Tu dis, mais comment ils font pour faire ça? Et ça, c'est des shayatines qui les aident à faire ces choses-là. Ça, c'est possible. Hein? Wallahu a'lam. Donc, pour faire ces trucs-là, ces choses-là, là, ils rentrent en contact avec les shayatines. Tu vois? Le shaykh, il dit, وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر. Donc il dit, il y en a par exemple des sorciers comme de ces gens-là, par exemple, ils volent dans les airs, ou bien ils marchent sur l'eau. Et c'est des gens pervers, c'est des gens pécheurs. Et ça, c'est des shayatines qui les aident à faire ces choses-là. Et ils se rapprochent aux shayatines en faisant des actes de kufr et de shirk, et donc, ces djinns-là, ils servent les djinns, et ensuite les djinns leur rendent des services en retour. Donc, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils les aident, ils leur font faire des tours comme ça, des trucs, les faire voler dans les airs, les faire marcher sur l'eau. Et également, qu'est-ce qui se passe par les mains de ces sorciers-là, et de ces charlatans, et de ces magiciens? Yani, des actes de sorcellerie, des actes de shirk, tout ça, ça fait partie du travail des shayatins, ça fait partie de leurs ruses et de leurs tromperies, comment ils trompent les gens. Et ce sont des choses qu'ils apprennent entre eux, comme ils apprennent la sorcellerie. Et le fait d'attribuer ces actes-là aux prophètes et de dire qu'ils sont des hommes pieux ou des saints ou des marabouts, hein, des religieux, parce que les marabouts, tu les vois, il y en a, ils font pas la prière, ils font pas le jeûne, ils font rien, ils pratiquent rien de la religion, juste ils sont assis comme ça et ils prétendent avoir des pouvoirs et ils pensent que ils ont atteint un niveau, ils trompent les gens avec ça, alors qu'ils sont pas, c'est pas des gens pieux, c'est pas des gens religieux, c'est seulement des gens qui mangent l'argent des gens comme ça avec ces tours-là qu'ils font. Et ils essaient de faire croire aux gens que ils sont religieux parfois, ils vont faire quelques prières juste pour donner l'impression aux gens qu'ils pratiquent un peu l'islam. Ou bien ils vont avoir un chapelet là, un tasbih, comme ils s'appellent, puis ils vont marcher avec ça pour montrer aux gens qui font beaucoup de dhikr, hein, pour faire croire aux gens qu'ils ont un lien avec la religion et l'islam. Avec 500 pierres, ouais, même j'ai entendu même avec 4000, oh, c'est un... Non, ils sont, ça c'est vraiment, et puis tu les vois des fois avec son avec leur chapelet en train de faire ça, et puis ils sont en train de parler avec quelqu'un en même temps, faire en même temps qu'ils font leur zik, ils parlent avec quelqu'un. Donc, tu dis, mais comment ils font pour faire le zik en même temps ils parlent avec quelqu'un? Ça, il y en a dans tous les pays, des gens comme ça. Oh ouais. Ouais, il y en a, c'est des habitudes. Hein, il y en a qui c'est des habitudes, mais c'est sûr que ces choses-là, il y en a, c'est pas la sunna de pratiquer ça. Il y a une bonne risale qui a été écrite justement pour réfuter ceux qui argumentent sur le fait d'utiliser ces genres de chapelets-là, qui réfutent tous leurs arguments et leurs preuves. Hein. Il n'y a rien d'authentique mentionné à ces sujets-là. Hein? C'est Chasselet, oui, c'est ça. Ouais. Quand il y a des gens, ils le font. Pour donner une image. Allah musta'an. Allah musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, ils essaient de dire qu'ils appartiennent à la voie des prophètes et qu'ils suivent les prophètes, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les prophètes. C'est la même manière que les juifs, par exemple, ils ont essayé d'attribuer la sorcellerie à un des prophètes d'Allah, Sulayman alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette fausseté-là et il a fait comprendre que le sihr c'est kufr et qu'on ne doit pas l'attribuer à aucun parmi les prophètes. Et que Sulayman alayhi salam était un prophète et qu'il n'était pas acceptable et convenable de lui attribuer quoi que ce soit de ce qui avait un rapport avec la sorcellerie. Ensuite, le point numéro 21. Al-mas'alatu al-hadiyatu ashara, al-hadiyatu al-ashroun. Ta'abuduhum Allah bis-safir wa tasfiq. تعبدهم بالمكاء والتصدية. C'est-à-dire que les gens de la Jahiliya, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par les sifflements et les clapements de mains. Ok? Cheikh, il explique ça. Cheikh Al-Fawzan. Il dit, من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم أي تقربهم من الله بالمكاء والتصدية. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية والمكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف يعملون هذا عند البيت ويسمونه الصلاة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وذلك مما زينه لهم الشياطين زينه لهم شياطين الإنس والجن لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وهي توفيقية فالإنسان لا يحدث شيئا من عند نفسه أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله ويتعبد به إلى الله وهو ليس له أصلا في الشرع. Le Cheikh explique, il dit, parmi les exemples des choses de la jahiliya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu opposer, c'est-à-dire il est venu opposer les gens de la jahiliya dans ces points-là, il y a leur adoration ou leur rapprochement qu'ils essayaient de faire à Allah subhanahu wa ta'ala par les sifflements et les clappements de mains. Hein? Et il mentionne le verset 35 dans Sourate Al-Anfal. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. C'est-à-dire leur prière auprès de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, elle n'était que par les clappements de mains, les sifflements et les clappements de mains. Hein? Donc les mushrikoun, ils essayaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la Kaaba, en faisant des sifflements puis des clappements de mains. Ils clappaient des mains puis ils sifflaient, faisaient du bruit comme ça. Et ils faisaient ça et ils appelaient ça salat. Pour eux, c'était une salat de faire ça. C'était une prière. Hein? Et ils essayaient de se rapprocher à Allah par ce moyen-là. Et ça, c'est ce que les diables, parmi les hommes et les djinns, leur ont embelli. Hein? Le diable, parmi les hommes et les djinns, leur ont embelli ces actes-là pour leur faire croire que c'était bon, pour leur faire croire que c'était des adorations. Et le cheikh, il explique que l'adoration, elle doit être uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. On n'a pas le droit d'essayer de se rapprocher d'Allah, de faire des actes d'adoration, excepté en suivant l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par l'intermédiaire de ses messagers ou dans la révélation. Et donc, quelqu'un ne peut pas, les adorations sont tawqifiyah, c'est-à-dire elles doivent être basées sur une référence ou une preuve de la révélation, et un individu ne peut pas inventer de lui-même quelque chose, puis prétendre que ça l'aide à se rapprocher d'Allah. Hein? De même que, il ne peut pas non plus prendre quelque chose, un acte ou une parole qu'il a pris de quelqu'un d'autre, qui n'a pas été légiféré, puis dire ça c'est pour se rapprocher à Allah. Donc, pour qu'il puisse se rapprocher à Allah par un acte, il faut que cet acte-là, elle ait un fondement dans la sharia, dans la révélation. ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين الصفير والتصفيق الى وان لم يقصد الانسان بهما العباده لان في ذلك تشبها بالمشركين والتصفيق انما اباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصه عند الحاجه كتنبيه الامام اذا سهى في الصلاه لما في صوتها اذا كانت بحضره الرجال من الفتنة ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. Donc le cheikh explique que ça c'est qu'est-ce qui vient nous montrer que c'est de là qu'on peut prendre que ces deux comportements là, ces deux caractéristiques là sont interdites en islam, de faire des sifflements ou de siffler et de clapper des mains, taper des mains. C'est deux choses qui sont interdites en islam, même si l'individu qui le fait ne le fait pas dans l'intention d'adorer ou de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En général, c'est interdit parce qu'il y a une ressemblance avec les mouchriquines dedans, du fait de siffler et du fait de clapper des mains. En ce qui concerne le clapement des mains, ça a uniquement été permis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les femmes en particulier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, dans un hadith authentique rapporté selon Abi Huraira, radiallahu anhu, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il est rapporté selon Abi Huraira, radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي حديث سهل بن سعد, dans un autre hadith, selon Sahl ibn Sa'd, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il explique que selon Abi Huraira, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le tasbih, de dire subhanallah, ça c'est pour les hommes. Et de taper des mains, ça c'est pour les femmes. C'est seulement pour les femmes. Et dans l'autre hadith, selon Sahl ibn Sa'd, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que vous avez, comment ça se fait que je vous vois taper des mains, ou bien clapper des mains, ou bien faire des clapements de mains comme ça. Celui qui a un doute au sujet de sa prière, ou par rapport à quelque chose dans la prière, alors qu'il fasse le tasbih. C'est-à-dire, si vous êtes dans la prière et l'imam s'est trompé, vous dites subhanallah. Et si vous dites subhanallah, eh bien, l'imam va savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui s'est trompé quelque part. Il va se tourner. C'est-à-dire, il va savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais en ce qui concerne le clapement des mains, ça c'est seulement pour les femmes. Et donc ça c'est ce qui vient nous expliquer que le clapement des mains c'est uniquement pour les femmes lorsque c'est nécessaire. Pour faire savoir à l'imam qu'il s'est trompé dans la salade. Et pourquoi? Parce que dans la voix de la femme, lorsqu'il y a des hommes qui sont présents, il y a une fitna, il y a une tentation dans sa voix. Même si actuellement des fois il y a certaines femmes quand elles parlent avec une grosse voix, on dirait que c'est des hommes, ou bien qu'elles parlent tellement comme des hommes, on ne peut même pas distinguer est-ce que c'est une femme ou un homme, parce qu'elles ont pris les mêmes manières que les hommes maintenant, certaines femmes, elles ont le même, subhanallah, elles ont perdu même la féminité, même dans leur façon de parler, dans leur voix, mais sinon en général, Allah subhanahu wa ta'ala, il a adouci la voix de la femme, et ça crée en l'homme une tentation, qu'il l'accepte, qu'il le reconnaisse ou qu'il ne le reconnaisse pas, et que les koufars le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, parce que quand on leur dit ça, eux, ça leur fait lever les sourcils, mais, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est une réalité. Et c'est pas permis pour un homme de ressembler aux kuffar, ni de ressembler aux femmes dans le claquement des mains. D'accord? Donc, des fois, vous allez voir des gens de bid'a parmi les ikhwan ou d'autres, quand ils organisent des conférences et que la personne qui fait la conférence, le conférencier, dit quelque chose qui fait plaisir aux gens, eh bien, ils se mettent tous à taper des mains. Alors que ce sont des musulmans qui sont assis dans la conférence. Des fois, il y a des non-musulmans, mais la majorité du temps, c'est des musulmans qui viennent assister. Donc, tu dis, mais subhanallah, comment ça se fait qu'ils se mettent à taper des mains, alors que taper des mains, c'est juste pour les femmes. Hein? Dans certaines circonstances où il y a une nécessité et pas n'importe quand. Donc ça, c'est des exemples de d'imitation des femmes et d'imitation des kuffars, et ça, c'est haram. Le cheikh dit ensuite, اتخاذهم الدين لهوا ولا عبا. C'est-à-dire, ça c'est le point numéro 22. المسألة الثانية والعشرون. إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولا عبا. C'est-à-dire que les gens de la Jahiliya, ils prenaient leur religion comme jeu et amusement. C'est comme ça. Pour eux, la religion, c'est pas quelque chose de sérieux. Hein? Le cheikh, il dit, اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق واللعب هو ضد الجد هو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية وهذا موجود عند الصوفية فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف والأغاني وآلاتها لهو ولعب وهي محرمة في حد ذاتها فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل. Donc le cheikh il explique que le mot en arabe lahu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui est inutile et qui te distrait de la vérité. Ça c'est Allahu, divertissement. Allahu, lam, ha, waw. Allahu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allahu, c'est toute chose qui est futile, inutile et qui te distrait de la vérité. واللعب, les jeux, les amusements, hein, c'est tout ce qui est contraire à ce qui est sérieux, qui est important. Qu'est-ce qui est pas, il y en a quelque chose qui n'a aucun bienfait dedans, aucune chose utile. Et donc, les gens de la Jahiliya, ils ont pris le jeu et les amusements et les divertissements comme une religion. Et ils utilisent ces moyens-là pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie de la religion de la Jahiliya. Si vous regardez les kuffars et les mouchriquins, souvent leur religion consiste à des jeux et des divertissements et des amusements. Quand ils font des fêtes, c'est que ça qu'ils font. Des danses, des jeux, des chansons, des amusements, pour les femmes, pour les enfants. Et ils en profitent pour faire toutes sortes de choses haram là-dedans. Toute adoration que les gens de kuff et de shirk dans le monde pratique, c'est toujours rattaché à ce genre de divertissement, à ce genre d'amusement-là, chaque fois. Regardez, n'importe où dans le monde, vous allez trouver ça. Et même chez les gens, parmi les musulmans qui pratiquent ces formes de shirk ou des formes de bid'a, d'égarement, ils ramènent toujours à l'intérieur de ces pratiques-là des divertissements et des jeux dedans. Et comme le cheikh, il donne des exemples ici, et ça, on le retrouve chez les soufis aujourd'hui, chez les gens qui se disent soufis aujourd'hui, ils prennent le fait de frapper les tambours, qu'est-ce qu'ils appellent le douf, les chansons comme étant une adoration par laquelle ils pensent qu'ils se rapprochent à Dieu. Ils pensent qu'ils font de la musique et de la chanson quelque chose de religieux, quelque chose d'islamique, comme ils font aujourd'hui, ils disent la musique islamique. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que yani, ce n'est pas quelque chose qui est permis en islam. C'est quelque chose qui est contraire à la religion d'Allah. Le cheikh, il dit, regardez, la musique et les chants, c'est des divertissements et des amusements. Et c'est interdit en soi, c'est déjà interdit pour, en soi-même, ces affaires-là. La musique et les chants, c'est haram. Alors, si on l'associe et on le prend comme une adoration, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, imaginez des gens qui sont assis dans un bar ou dans un endroit où les gens font des choses haram. Ils boivent de l'alcool et tout, ou bien ils dansent et ils écoutent de la musique. Ils savent que ce qu'ils font, c'est haram. Et ils sont là en train d'écouter de la musique pour s'encourager encore plus à faire le haram. Mais ceux-là, ils ne sont pas en train de dire « Nous, on fait ça pour se rapprocher de Dieu, pour être plus proche d'Allah. » Ils font ça, au contraire, pour s'éloigner du rappel d'Allah. Hein? Donc, ça, c'est un péché seulement. C'est un acte qu'ils ont fait qui est haram. Mais celui qui prend ces mêmes instruments de musique et ces mêmes chants et qui les transforme, qui les utilise au lieu de faire dire des paroles haram et de faire des choses interdites avec, ils disent, moi, je vais utiliser les mêmes moyens, mais avec, je vais l'utiliser pour me rapprocher d'Allah. Hein? Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'utiliser un moyen qui est haram et il est en train de faire de ce moyen-là quelque chose de religieux avec. Donc, il est en train d'inventer une innovation, une bid'a. Et il est en train, en même temps, de légiférer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui n'en fait pas partie. Hein? Et donc, c'est encore beaucoup plus grave qu'un simple péché. Parce qu'il est en train de légiférer et de légaliser ce péché-là et de prétendre qu'en le faisant, non seulement il ne va pas être puni, mais il va être récompensé. Et que c'est quelque chose qu'il prétend que Allah aime quand il le fait. Parce qu'il pense que c'est quelque chose de bien. Mais quand est-ce que vous trouvez, où est-ce que vous trouvez dans le Coran ou dans la Sunna que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des instruments de musique ou en faisant des chants? Nulle part. Il n'y a aucun hadith authentique qui mentionne que les chants ou la musique sont des formes d'adoration dans l'islam. La même chose pour le Coran. Vous ne trouvez aucun verset dans le Coran qui mentionne que pour se rapprocher à Allah, il faut faire des chants ou de la musique. Donc ces gens-là, parmi les soufis, ils ont ramené ces innovations-là qu'ils ont prises chez les koufars, chez les mouchriquins, chez les juifs et les chrétiens, et ils l'ont introduit dans l'islam, prétendant que ça fait partie de la religion musulmane. Et vous les trouvez dans leurs zawaya, et dans leurs mosquées, dans leurs centres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que chanter et danser. Et vous les voyez quand ils font une hadra, la même chose. Ils sautent, les vieux, les jeunes, les enfants, les femmes, tout le monde ensemble commence à danser et chanter et faire du tambour et tout. Et ils pensent que ça, c'est quelque chose qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ces choses-là. Il a dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, il pratique quelque chose, ça ne fait pas partie de l'islam, ce sera rejeté. Donc toi tu penses que tu te rapproches à Allah subhanahu wa ta'ala par ce moyen-là, alors que c'est interdit dans l'islam. Et il y a des versets dans le Coran qui interdisent clairement la musique. Hein? Dans Surat Luqman et dans d'autres versets aussi. نعم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى ذكر سلا مزك اي يعني beaucoup d'autres paroles aussi et hadith et versets qui interdisent la musique aussi. Et yani justement j'écoutais, il y en a qui incitent à ça et vous allez voir qu'est-ce que le cheikh il dit ensuite. Donc d'écouter de la musique et de faire de la musique, hein, de quelqu'un qui écoute Michael Jackson, hein, ou des choses de ce genre, ça c'est haram. Hein. Mais quelqu'un qui écoute Sami Youssef, ça non seulement c'est haram, mais en plus c'est bid'a. Hein? Parce qu'il rajoute à ça une signification spirituelle et religieuse, il prétend qu'en faisant ça, il se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Michael Jackson est moins pire. D'écouter Michael Jackson, c'est moins pire que d'écouter Sami Youssef. Parce que quand tu écoutes Michael Jackson, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est haram. Et que Allah, il va te punir pour ça. Mais Sami Youssef, vous ne le connaissez pas, alhamdoulilah, si vous ne le connaissez pas. Mais, non, Sami Youssef. C'est un chanteur islamique. Hein? Et Allah Musta'an. Et puis, il fait des spectacles maintenant. Maintenant, c'est devenu. Quand vous allez dans les conférences de ces gens-là, ils organisent des. Comme par exemple, RIS, qu'ils font à Toronto chaque année. Ou bien dans d'autres. Même, ils ont fait l'année passée, je pense, une conférence qu'ils ont fait ici au Palais des Congrès. Soi-disant, il y avait des chanteurs de Anachid qui étaient invités. Tu les vois avec les micros, puis ils sont sur le stage comme des chanteurs, comme des vrais chanteurs, comme chez les koufars, ou comme chez les gens qui font des péchés parmi les musulmans, en train de faire des chansons islamiques, soi-disant. Et dernièrement, il y a parmi les Hizbiyin à Montréal qui font une émission de radio, sur AM ou FM en tout cas. Subhanallah! Leur émission, c'est soi-disant pour présenter l'islam, pour parler de l'islam. Je pense, plus que le tiers peut-être trois quarts de l'émission, c'est de la musique, hein. Et des anachides en français, des anachides en anglais, des anachides en arabe. Et quand t'entends ça, c'est de la musique, subhanallah, il n'y a pas de différence entre qu'est-ce que tu vas écouter. La seule chose, c'est que lui, il est en train de parler d'Allah, en train de parler de la religion, tandis que l'autre est en train de parler d'autres sujets futiles. Mais, c'est d'essayer de rendre halal qui est haram, ou d'essayer de rendre religieux ce qui n'a rien à voir avec l'islam. Et ça, c'est des moyens par lesquels les gens égarent ou éloignent les gens. Et leur logique, c'est quoi? C'est de dire, bon, les jeunes, ils aiment la musique, et ils sont attachés à la musique, et ils sont attirés par ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner une alternative halal. Donc, on va leur faire de la musique halal, musique islamique. Hein? Et ils utilisent ces moyens-là pour, soi-disant, attirer les gens. Mais tu peux pas rendre quelque chose haram, halal, juste en mettant le mot islamique avec, ou dessus. Hein? Mais les choses dont je te parle là, certaines de ces anachites là, il n'y a pas d'instrument de musique. Mais, pardon, c'est ça, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils font. C'est que, qu'est-ce qu'ils font, c'est que, premièrement, c'est des enregistrements qui sont faits en studio, avec une qualité de son exceptionnelle. Et ils chantent pas avec leur voix naturelle. Et non seulement ça, des fois, c'est que il n'y a pas de musique d'instrument, mais ils font des fois la musique juste avec leur voix. Et des fois, il y a plusieurs personnes qui chantent en même temps, ils font des canons. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi des canons. Attends. Après, quand il n'y a pas de canon, des fois, c'est comme juste une musique, un bruit de fond, une musique de fond, une mélodie, qui est faite avec la voix. Quand je te donne un exemple. Il y a un chanteur américain, il y a quelques années auparavant, il y a un chanteur américain qui a fait une chanson. Il n'y a aucun instrument de musique dedans. Il chante, il fait la musique avec sa voix seulement dedans. Et c'était cette musique-là était devenue un hit, comme on dit en français, un hit. Elle était dans le numéro un dans la charte, là, des musiques. Pendant longtemps. Donc c'est pour dire, le fait qu'il n'y ait pas de musique, si tu fais la musique avec ta voix, ça devient de la musique quand même, même si c'est pas la musique. Le gospel, c'est ça. Exactement. Les chanteurs de gospel, les chants grégoriens, ou n'importe quel autre. Et au Maroc, j'ai entendu ça l'autre jour, ils font chaque année des festivals, je pense que c'est à Fas, à la ville de Fas. Chaque année, ils font un festival de musique spirituelle. Ils ramènent des bouddhistes, ils ramènent des chrétiens, ils ramènent des hindous, des gens de toutes les religions, des shirks, avec les soufiens, et puis ils chantent. Une fois, je voyais ça, je voyais ça dans une émission, une fois, un chanteur soufi, dans une église, en plein milieu d'une église, avec les chants, avec les chanteurs chrétiens, là, commençait à chanter dans l'église, et puis les chœurs, les chanteurs chrétiens qui l'accompagnent. Regardez, c'est pour dire, on voit que c'est ces gens-là qui se rapprochent le plus des chrétiens et des juifs, parce qu'ils ont une aqidah qui est très proche de leur aqidah, et c'est pour ça qu'ils sont d'accord avec eux sur ces choses-là. Exactement. Ouais, ben, s'il y a un mariage ou des choses comme ça, ou s'il y a un mariage ou l'Aïd, des choses. Les petites filles, à l'époque du professeur Salam, elles prenaient le douf, et puis elles chantaient des petites chansons, des petites chansons arabes, simples, des comptines, il y en a avec le douf comme ça. C'est pas des chanteuses professionnelles, des orchestres qu'on fait venir avec des musiciens et tout, non. Aujourd'hui, on a dépassé la limite de ça. Donc, le cheikh, il dit, ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله كما يقولون والدعوة إلى الله عز وجل من الدين ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة لأن الدعوة توقيفية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة. Donc le cheikh explique que aujourd'hui, parmi ceux qui ressemblent à ces soufis, il y a les gens qui utilisent ces méthodes anachides, des chansons islamiques. Et ils font de ça un moyen pour la da'wa. Ils utilisent ça comme un moyen de da'wa. Ils disent, nous on va attirer les gens ou appeler les gens à l'islam en faisant ce genre de anachides. Et comme je disais tout à l'heure, ils font des spectacles maintenant avec ça. Et dans les conférences qu'ils organisent, après le spectacle, il y a des séances d'autographes. Et ils font des cassettes et des CD qu'ils vendent. Et quand ils les impriment, ou quand ils les font sortir, ces albums, ou ces CD, ils les sortent par milliers de copies pour les vendre. Et j'écoutais, il y en a un qui parlait justement d'un succès d'un groupe, soi-disant, de chanteurs de anachid. Je ne sais pas si vous entendez parler de le silence des mosquées, ils l'appellent. C'est un groupe de chanteurs islamiques comme ça, soi-disant islamiques. Eh ben, il y en a un qui parlait d'eux, il disait, ah, ils ont vendu, je ne sais pas combien, 40 000 copies de leur CD ou de leur cassette. Donc, il y en a en voulant dire qu'il faut les encourager et des trucs de ce genre. Il faut développer, il faut créer un art islamique, développer nos talents islamiques pour que les musulmans, au lieu d'écouter soi-disant les musiques des kuffars, ils vont écouter les musiques des musulmans. C'est une logique vraiment renversée, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est la même mentalité que les juifs, mais ils l'utilisent, ils mettent islamique devant. Et c'est dommage que ces choses-là se propagent parmi les jeunes maintenant. Et il y a ceux aussi qui font maintenant le rap islamique. Et ça, c'est quelque chose qui est récent maintenant. Aux États-Unis, il y a plein des gars qui faisaient du rap et qui ont abandonné le rap maintenant, qui sont devenus musulmans, qui sont sous le Coran et la Sunna, et qui laissent tomber ces bêtises-là et ces futilités-là. Mais malheureusement, dans d'autres endroits, comme par exemple en France ou ailleurs en Europe, il y a plein de jeunes musulmans dans les différents quartiers qui tombent dans ce genre de choses-là, et ils font la propagation de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de choses, de comportements et d'attitudes qui sont contraires à l'islam, et ils essaient d'imiter les koufars des États-Unis ou de d'autres pays qui font du rap. Et il y en a maintenant qui ont essayé de dire, bon, comme les autres ont fait avec la musique, ils essaient de faire la même chose avec le rap. Ils disent, on va faire du rap, mais du rap islamique. Et aux États-Unis maintenant, il y a des gars qui sont en train de faire soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent du rap islamique. Et il y a d'autres qui ont fait ça aussi en Europe. Et parmi les Ikhwan, on a trouvé ça aussi. Qui font ça dans leurs conférences, les Hizbiyin. Donc c'est exactement comme le Cheikh est en train de mentionner, il dit on utilise ça comme un moyen de da'wah. Le Cheikh il dit, la da'wah, d'inviter les gens à l'islam et à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la religion. Et les chansons, les musiques, les mélodies, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la religion. Tout ce qui vient pour distraire l'âme et la préoccuper et l'éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la lecture du Coran, tout ça, ça fait partie des, comment on dit, shi'arat, des emblèmes, des slogans, des choses, des caractéristiques distinctives des groupes de hizbiyyin aujourd'hui. Même vous trouvez ça chez les djihadis, ceux qui prétendent qu'ils font le djihad et qui sont en train de faire des actes de terrorisme dans le monde au nom de l'islam. Eh bien ces groupes-là, vous voyez quand ils font des vidéos dans lesquelles ils essaient de présenter leur soi-disant djihad, leur terrorisme, eh bien ils mettent dedans plein de musique anachide. Même tu les vois en train de montrer des images de gens qui sont dans la forêt en train de courir ou je sais pas quoi, avec des chevaux, puis des bruits d'explosion, puis tout. Après, t'entends en arrière une voix qui chante avec des canons, puis toutes sortes de beaux sons là en arrière, comme ça, pour montrer que c'est des gens qui sont en train de faire le djihad, puis des anachides de djihad, puis toutes sortes de choses de ce genre. Allah Musta'an. Donc ça fait partie de ces méthodes de ces gens-là. Comment tu vois, une fois je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, j'étais parti, il y avait une réunion, une conférence à l'Université Concordia, je pense, ou à McGill, et tu vois deux, c'était une affaire pour la Palestine, ils parlaient de la Palestine, je pense, il y avait deux Palestiniens qui sont montés sur le stage avec grosse barbe, commence à chanter devant les gens. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gars-là? En train de parler de la Palestine, puis avec la grosse barbe et tout, ils commencent à chanter comme des femmes. Allah al-Musta'an. Yani, chanter, ça fait pas partie de qu'est-ce que l'islam nous a enseigné. Et c'est pas ça, c'est que, bon, comme tu dis, par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certaines occasions, par exemple, comme c'est mentionné dans le moment où les Sahaba étaient en train de creuser Al-Khandaq, comme ils l'appellent. C'est quoi? Al-Khandaq en français? La tranchée, ou bien quand ils étaient en train de construire la mosquée, ou bien quand ils voyageaient la nuit pour que les chameaux sachent, soient capables de savoir le chemin, il y a un qui récite des poèmes ou qui chante des paroles comme ça, puis les chameaux ils se guident par la voix de celui qui appelle. Ça c'est des choses qui se faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas des chanteurs, c'est pas des gens qui sont désignés spécifiques pour chanter, ou c'est pas des chansons comme on connaît aujourd'hui. Ça c'est des choses que les gens faisaient comme ça, innocemment comme ça, sans que ce soit calculé ou voulu nécessairement, ou sans que ce soit une personne spécifique qui le fasse. Mais à la façon dont ces gens-là sont en train de le faire aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec qu'est-ce qui était fait à l'époque. Même les jeunes filles là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui entre les femmes tapaient le tambour puis chantaient des petites chansons lorsqu'il y avait un mariage ou lorsque c'était l'Aïd, c'est pas des, comme je disais tantôt, c'est pas des chanteuses professionnelles. C'est comme si toi par exemple là, tu commençais à chanter, t'es pas un chanteur, t'as pas une belle voix, tu vas pas devenir une vedette si tu fais quelque chose comme ça, tandis que ceux-là sont en train de faire ça comme si c'était quelque chose là commercial, tu vois, puis ça devient un gagne-pain même par la suite, ils vivent de ça des fois, ou des choses de ce genre. Mais de toute façon, c'est juste pour faire comprendre que si ce sont des poèmes, comme le Cheikh il va le mentionner, il va expliquer que dans ce cas-là, si c'est des poèmes, des choses comme ça, oui, mais pas de la façon dont ils font aujourd'hui, c'est soi-disant anachide islamique. Il n'y a pas d'anachide islamique. Parce que quand tu dis que quelque chose est islamique, ça veut dire que c'est légiféré par Allah et que c'est un acte d'adoration qui te rapproche d'Allah. C'est ça que ça veut dire quand tu dis que c'est islamique. Donc, est-ce que chanter c'est une adoration? Est-ce que c'est ordonné par Allah? Est-ce que c'est recommandé par Allah? Non. Donc les ulama ils ont dit, si vous dites, vous faites des anachides arabiya, ouais, dans ce cas-là c'est fait, il y en a des anachides arabiya, ça n'a pas rapport avec la religion, ça n'a pas rapport avec l'adoration, c'est pas quelque chose que tu fais comme un acte religieux. C'est juste tu chantes une comptine ou une chanson comme ça, innocemment, sans que ce soit quelque chose que tu prends comme une habitude, sans que ce soit quelque chose que tu prends comme un métier ou quelque chose que tu pratiques régulièrement comme ça, et que tu le fais dans des circonstances bien spécifiques qui dans lesquelles c'est acceptable, mais que ce soit fait pour la da'wah, ou pour essayer d'utiliser ça comme un moyen pour propager l'islam, ou que ce soit fait au nom de l'islam comme étant un acte religieux ou des choses de ce genre, ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Et le cheikh, justement, il dit que les moyens de la da'wah, il dit que les moyens de la da'wah, ils sont tawqifiyah, c'est-à-dire, on doit se limiter aux exemples qui sont mentionnés dans les textes, pour savoir comment on fait la da'wah. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invitait les hommes et il les appelait avec le Coran et avec la Sunna, avec les exhortations et avec l'orientation des gens, en leur parlant, en leur expliquant les choses, en argumentant avec eux et en discutant avec eux de la meilleure façon. Et il n'a jamais utilisé ces genres d'anachides en groupe ou des choses de ce genre pour faire de la da'wah. D'accord. Ensuite, il dit « وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ الْجَيِّدِ النَّزِيهِ لِلْرَدِّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالدِّفَاعِ عَنِ الْإِسْلَامِ كَشِعْرِ حَسَّانِ رضي الله عنه وَلِلْتَنْشِيطِ عَلَى الْعَمَلِ وَالسَّيْرِ فِي السَّفَرِ لَيْسَ ذَلِكَ شَبِيهًا بِالْأَنَاشِيدِ الْجَمَاعِيَّةِ الْمُسْتَعْمَلَةُ الْآنِ وَلَا تُقَاسُ عَلَيْهِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَارِقِ الْوَاضِحِ. Donc c'est ça que le cheikh explique. Il dit les exemples de poèmes que les gens récites qui sont bons, qui sont propres, hein, pour réfuter les mouchriquins et pour défendre l'islam, comme par exemple les poèmes de Hassan ibn Thabit, qui était le prophète du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le poète du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, vas-y Hassan, hein, réfute-les. Quand les mouchriquins, ils essaient d'insulter l'islam ou d'insulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, allez, réfute-les, et l'Esprit Saint va te défendre et va te supporter dans ton poème. Et il disait que ces vers, ces poèmes sont plus durs pour eux que les flèches. Quand Hassan il les récitait avec des poèmes, c'était plus dur pour eux que les flèches qui étaient envoyées. Hein? Par les poèmes. Mais parce que les poèmes des Arabes c'était verbal, toujours. C'est-à-dire, ils n'écrivaient pas leurs poèmes comme nous aujourd'hui on écrit, eux, ils le sortaient comme ça, sur le champ. C'est-à-dire, c'est comme freestyle, on dit aujourd'hui, tu vois. Ça sort direct, tu vois. Hein? Et c'était comme ça qu'ils leur réfutaient, ils les réfutaient, les gens. Et puis après, on écrivait leurs poèmes quand c'était des bons poèmes. Quand on disait, ah, ça c'est un bon poème. Les gens les mémorisaient tout de suite et ils les écrivaient par la suite. Hein? Donc c'est comme ça. En public, devant les gens. Hein? Donc, dans des cas comme ça, oui, ça c'est permis. Donc, mais les gens qui aujourd'hui font le rap et des trucs de ce genre, ils disent ah c'est comme la poésie. Il y a une grande différence entre la poésie et qu'est-ce que ces gens-là font comme rap aujourd'hui. La plupart du temps, ils ne font que dire des bêtises. Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ça dans Surah Al-Shu'ara à la fin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, il dit. De même que les gens qui font des genres de poésie là comme ça pour s'encourager, ou des petits chants comme ça pour s'encourager à travailler, ça leur donne de l'emprunt durant le travail. Ou bien lorsqu'ils sont en train de voyager, ils font des chants comme ça ou des trucs de ce genre. Donc ça c'est Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'instruments, il n'y a pas de son de voix, c'est pas des chansons qui sont faites en groupe, c'est pas des trucs de ce genre, c'est pas enregistré dans des studios, c'est, hein. C'est juste des choses vraiment simples comme ça. Ça n'a rien à voir, et le cheikh dit, il n'y a aucune comparaison avec ce que les gens font aujourd'hui, avec les anachides qu'ils font aujourd'hui en groupe, que ces gens-là utilisent. On n'a pas le droit de faire des analogies ou des comparaisons entre ce qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là et ce que font ces gens-là aujourd'hui. Oui, dans ces cas-là, c'est permis comme des exemples, qu'est-ce qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de faire ce qu'ils font aujourd'hui comme anachides, ça c'est complètement différent de ce que faisaient les sahaba à l'époque. Radiallahu anhum. Le temps. Hey, naam. Ouais. Naam. Les petites chansons là comme ça. Hey, naam, c'est ça. C'est pas des chanteuses professionnelles ou des trucs comme ça. C'est juste pour se donner de l'entrain au travail ou des choses de ce genre. Comme je donnais l'exemple pour le Khandaq, où quand ils ont construit la tranchée, ou bien quand par exemple ils ont construit la mosquée, ou quand ils voyageaient comme ça. Des exemples comme ça, et les ulama ils ont expliqué ça, même Cheikh Al-Fawzan il a une fatwa à ce sujet-là, dans lequel il réfute ceux qui prétendent qu'il y a des anachides islamiques. Il dit non, il n'y a pas ça dans l'islam, yani. Ok. Mais le problème des gens, des fois ils font des genres de qiyas qui sont très étirés, yani. c'est comme un élastique, tu vois, il est petit comme ça, mais si tu tires dessus il devient très long, et eux c'est ça qu'ils font, ils prennent quelque chose qui est très simple, qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il l'était, à la fin tu vois que c'est vraiment en dehors du contexte, il ne l'applique pas du tout dans le contexte dans lequel il était appliqué, et ni dans la façon dont il était appliqué également. Ça sort complètement du but et de l'objectif, et en réalité tu réalises qu'à la fin, la façon dont ils font les choses aujourd'hui, c'est uniquement pour imiter ce que font les koufars, Et vous allez voir par exemple ce que font ces musulmans-là, quand ils font ces chansons-là et ces musiques, et vous allez voir les chrétiens aux États-Unis ou ailleurs, les protestants ou les autres groupes, les baptistes ou les trucs, ils font du gospel, ils font d'autres chansons comme ça, il y a même du rap chrétien, chansons, musique chrétien, R&B chrétien, Allah musta'an, il y a même un prêtre, protestant aux États-Unis qui a fait un rap, hein, Allah musta'an. Et j'ai entendu des exemples comme ça, il y en a un, il a pris une chanson d'un des rappeurs qui est vraiment vulgaire, il l'a refait, la même, mais avec des paroles de la Bible, soi-disant. Puis il a mis ça sur Internet, il dit, je veux attirer les jeunes à revenir à la Bible et à savoir l'importance de la Bible. Donc qu'est-ce qu'il a dit? I like big Bibles. J'aime les grosses Bibles. Hein? Et il a fait un rap comme ça. Donc, nasallallahu al-afiya, un prêtre qui fait des trucs comme ça, c'est pour vous dire. Et les juifs, c'est la même chose. Vous voyez les juifs quand ils font leur danse et quand ils font leur chant, là? Ça fait partie de leur religion. Ils ont une fête, les juifs, ils font ça une fois par année. Et pendant ces jours-là, ils doivent se saouler, puis ils dansent, puis ils chantent. Hein, puis il se saoule. Hein. Et justement, même l'année passée, subhanallah, il y en a un, je sais pas si c'est l'année passée ou l'année d'avant, il était tellement saoul, il a pris sa voiture, il a foncé sur une policière. Hein, et puis étant donné que c'est un juif, bon, ils l'ont laissé passer. Ils n'ont pas fait de plainte contre lui. Mais c'est pour dire, allez, hein. Une religion qui t'incite à te saouler, c'est quoi cette religion-là, hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis on va continuer la semaine prochaine, bismillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.